Vous écoutez l'émission de Patrick Tréau, Comment créer le paradis sur Terre. Patrick Tréau, c'est maintenant sur Radio Impact. Thank you. Charlotte, Patrick Tétrault avec vous pour la prochaine heure. Donc, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite joyeuse Pâques pour ceux qui écoutent en direct. Et donc, cette semaine, nous allons parler plus particulièrement du pouvoir, en fait, de quatre centres de pouvoir importants. Et donc, je rappellerai comme introduction que notre projet, c'est pas une cause en particulier, c'est la gestion de la création collective. Donc, c'est le contrôle du centre de pouvoir. C'est le poste, en fait, on peut dire, le poste de PDG de toute la civilisation. Et c'est qui le PDG? C'est qui le directeur général? C'est pas une personne, ni un groupe. En fait, c'est pas non plus une cause en particulier, par exemple l'environnement, sauver la planète. C'est l'autorité collective. Donc, c'est l'autorité collective, c'est quoi? C'est l'organisation collective qui va nous permettre de décider collectivement. Donc, nous, les individus, les êtres humains. Et aujourd'hui, on va commencer une exploration de quelques principaux systèmes de pouvoir, notamment les quatre que je veux, sur lesquels je veux me concentrer, la religion, les médias, la politique et l'argent. Donc aujourd'hui, on va avoir surtout le temps de parler de l'argent, du système financier. Et donc, le point commun de ces centres de pouvoir-là, c'est qu'ils concernent tous le collectif. Donc, la maîtrise et la transformation de ces systèmes-là, ça va passer par notre capacité à gérer le collectif. Et comme on l'a dit, cela passe par notre capacité à créer l'unité. Et ça, c'est le cœur de notre plan. C'est l'unité qui est la base sur laquelle nous allons devoir nous organiser pour créer, pour développer un mode organisationnel de telle que nous ayons accès à notre autorité collective, c'est-à-dire au règne, au contrôle des décisions collectives. Et cela, donc l'image sur laquelle on se base, c'est celle de l'individu qui est en fait l'autorité. Donc il s'agit dans le fond de s'organiser collectivement comme si on était une seule personne et qui décide. À ce moment-là, on va contrôler notre création collective. Donc le cœur, l'essence du plan, c'est ça. Et une autre chose que je pourrais dire par rapport à ces centres de pouvoir-là, en général, c'est que c'est intéressant de constater qu'ils sont souvent rejetés par les gens. Donc, pour la politique, on dit « on veut pas faire de politique, la politique, ça m'intéresse pas. L'argent, ben c'est le maudit argent, ça serait mieux peut-être s'il n'y aurait pas d'argent, comment vivre sans argent, etc. » Évidemment, l'argent, c'est la racine du mal. Ensuite, les médias, moi, j'écoute pas les nouvelles, les merdias, s'il y a un contrôle d'information de ce niveau-là, etc., faut s'informer ailleurs. Et la religion, j'ai pas besoin de faire un dessin là-dessus. Qu'est-ce qui c'est relativement rejeté? Donc, en fait, mais c'est pas ces choses-là comme telles qui sont le problème. C'est parce que ce pouvoir-là, parce que c'est des centres de pouvoir, c'est notre pouvoir. Donc, c'est nous autres qui en sommes responsables, mais on n'y a pas accès car on n'est pas organisé pour y avoir accès. Donc, on se fait plutôt organiser par ceux qui l'utilisent et qui l'utilisent en dehors de nos valeurs. Donc, on rejette ces pouvoirs-là, ce qui est tout à fait comprenable, mais c'est vain parce qu'on est quand même responsable, c'est nous, ça vient de nous. Donc, c'est à nous à travailler pour se les réapproprier et éventuellement les utiliser selon notre volonté. Donc, c'est ça le but. Et tout de suite après la première pause musicale, on va commencer avec le système d'argent, donc qui est vraiment un centre de pouvoir important. Et ce sera tout de suite après cette première chanson. Et voilà. I dream about it and I don't know why. Donc, de retour à comment créer le paradis sur Terre. Et aujourd'hui, on parle d'argent, du système financier en tant que centre de pouvoir. Donc, bien sûr, l'argent, c'en est un. Et donc, c'est un système conventionnel, donc collectif, comme on a dit. Et tout seul, on n'a pas besoin d'argent. Donc, et on ne pourrait pas en avoir de toute façon. Ce ne serait pas nécessaire, c'est entendu. Et donc, c'est un outil collectif que nous avons créé. Mais est-ce que nous pourrions vivre sans argent? Eh bien oui. Comme nous pourrions aussi construire une maison sans marteau et sans scie. Cela serait possible, mais pourquoi se priver de ces outils-là? La question, c'est pourquoi on voudrait se passer de l'argent? Bien, parce qu'on voit que c'est un problème. Mais pourquoi ce l'est? C'est ça la question. Il en est de même avec l'argent, comme avec les trois autres systèmes de pouvoir que nous allons observer, donc les médias, l'argent, la politique et la religion. En fait, ce sont tous des systèmes qui concernent le collectif. Et pour vivre sans argent, il faudrait être capable de vivre avec. Donc, c'est ce que nous sommes en fait pas encore capables de faire. Pour cela, il faut reconnaître d'abord que c'est notre création collective, que nous en sommes les auteurs, donc que nous pouvons le changer. Ce que plusieurs ont tenté de faire et ont même proposé des solutions que nous n'appliquons pas, car ceux qui contrôlent aussi les médias et le système d'éducation, qui forment les économistes et les spécialistes, qui non seulement ne veulent pas le changer, mais le défendent, sauf exception, bien entendu. Et donc, il y a quand même, si vous voulez avoir des spécialistes, des experts qui connaissent, comprennent le sujet complexe de l'argent et qui vous êtes capable d'en trouver si vous cherchez. C'est sûr que ce ne sera pas dans les médias conventionnels ni dans les universités, mais si vous cherchez, vous allez avoir ce que vous voulez, des prix Nobel, des doctorats donc, et plusieurs. Donc, ces gens-là existent. Et nous n'allons pas pouvoir changer les autres domaines, comme par exemple l'économie et l'environnement. Par exemple, sans changer le système financier. La finance dicte l'économie. Donc, le trafic le matin sur les autoroutes vers les grandes villes, comme à Montréal ou à Los Angeles, etc., c'est l'économie qui suit la finance. Donc, les gens vont en ville pour travailler, car ils ont besoin des salaires pour vivre. Et pour produire des salaires, ça prend la production, et cela affecte l'économie. Car le but, en fait, en réalité, le vrai but de l'économie, c'est pas de produire des salaires, mais des biens et des services pour répondre aux besoins des gens. Ce que l'économie ne réussit même pas à faire. Nous ne sommes même pas capables de répondre aux besoins primaires de l'être humain, de se nourrir. Donc, il y a des millions de personnes, on le sait, qui meurent de faim. Donc, et ça, c'est le rôle de l'économie, de répondre à nos besoins. Et on le fait pas. Donc, nous ne sommes même pas rendus à la première étape. Donc, maintenant, entre en jeu, en ce qui concerne l'argent, le crédit social, qui est la solution pour réformer le système financier. Et on va parler un peu de ça après la pause, et avec l'historique du crédit social et aussi qu'est-ce que c'est. Tout après. Thank you. Donc, de retour, le crédit social, c'est la réforme du système financier. Et si nous voulons sortir de l'argent, il faut être d'abord y entrer. Donc, Genesis a une citation, une chanson là-dessus, « If you want to get out, you got to get in ». Donc, le crédit social, c'est une doctrine ou une réforme du système financier qui a été élaborée par un Écossais, qui s'appelait Douglas, Major Douglas. Donc, c'était vers la fin du 19e siècle. Douglas n'était pas économiste, il était comptable et ingénieur. Donc, c'est pas surprenant. Et il travaillait dans les années 1890 et quelques en Inde sur un chantier pour construire un pont. Et à un moment donné, les autorités sont arrivées et ont dit qu'il fallait arrêter les travaux car ils n'avaient plus d'argent. Donc, c'est alors que Douglas s'est posé des questions. Il s'est dit, on a tout ce qu'il faut pour faire le pont, on a toutes les ressources, on a le savoir-faire, les gens veulent un pont et en ont besoin, mais tout ce qui manque, c'est l'argent. Donc, ça lui a mis la puce à l'oreille, puis il a décidé d'étudier le système d'argent et comment ça fonctionnait. Et c'est là qu'il a identifié des lacunes. Et qui a proposé une réforme, une doctrine financière qui permettrait d'avoir un système d'argent corrigé qui fonctionne. Donc, le gars, c'était pas un imbécile, c'était un génie du genre niveau de Einstein, et qui est parti, évidemment, qui a commencé à tenter de faire connaître ses idées. Mais ça peut être assez complexe en approfondissant, mais en fait, le crédit social a trois piliers que assez facile à comprendre. Il y a le dividende, la création monétaire sans intérêt et l'escompte compensé. Donc, pour ce qui est du dividende, on parle souvent du revenu universel au minimum garanti, qui ça s'apparente au dividende. Mais c'est pas la même chose, parce que dans le système actuel, c'est plus comme un plaster qu'on veut mettre sur le bobo, sans chercher la cause et vouloir corriger à la racine. Car, comme on a dit tantôt, ils ne veulent pas vraiment changer le système. C'est pour ça que des experts sont arrivés dernièrement au Québec à la conclusion qu'après de longues études, que le revenu de base n'était pas fonctionnel. Mais le problème, c'est... Dans ce cas-ci, comme souvent dans notre société, ils prennent les choses du mauvais côté parce que c'est pas à eux à nous dire ce qui est possible ou pas. C'est pas aux experts à le faire. C'est à nous, les citoyens, l'autorité, à dicter ce que nous voulons et c'est à eux à le chercher. La science, les professionnels, les chercheurs, les techniciens, appelez ça comme vous voulez. Donc, les chercheurs officiels n'y arrivent pas. Alors, on pourrait écouter peut-être d'autres experts. Et c'est pas une question théorique, à savoir est-ce que c'est possible ou pas. C'est une volonté. Donc, il faut le vouloir, le demander. Et là, on délègue. Et ceux qui se disent capables ou qui pensent l'être, ils cherchent. Ensuite, on expérimente. Et ce qui va trancher, c'est pas les experts, ce sont les résultats. Donc, si on attend que ce soit eux qui décident, et qu'ils viennent nous dire que c'est possible, on va attendre, et ça changera, on va attendre perpétuellement. Ça ne va jamais changer parce qu'ils ne s'attaquent pas à la racine. Ils ne veulent pas changer le système parce que c'est pas ça qu'ils ont appris. Donc, ils protègent leurs connaissances, leurs acquis. Et ça a tout le temps été comme ça, mais si on veut que ça change, il faut le reconnaître et approcher les choses en considérant cette réalité-là. Donc, c'est vain de donner un revenu si on ne change pas de système et la philosophie qui vient avec. Parce qu'il faut comprendre que c'est plus que juste changer un système. On a vécu et nos parents ont vécu dans le système actuel. Et cela a forgé nos croyances et comment on pense la réalité. Donc, comme disent les certains, il faut changer l'histoire ou la culture. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont reliées au système actuel. Notamment, si on veut... le créer, faut y croire. C'est sûr que si on pense que c'est trop beau, si on n'est pas capable de se l'imaginer, c'est peu probable que ça l'arrive, parce qu'on le voudra tout simplement pas. Donc, si on veut donner un revenu de base en le prenant, en gardant le système actuel, en le prenant dans les taxes et les impôts, c'est sûr que ça ne marchera pas. Mais c'est pas ça du tout le crédit social, le dividende du crédit social. Le communisme mondial n'a pas peur du revenu minimum garanti. Il a l'intention même de le donner, en échange d'une puce, évidemment. Comme dans la matrice, les robots nourrissaient les humains. Ils leur donnaient leur minimum et c'est garanti pour le temps qu'ils avaient besoin d'eux. Donc, le problème, c'est pas le minimum, le revenu minimum, peu importe comment on l'appelle. C'est le problème, ce que le communiste ne veut pas et n'aime pas et connaît très bien, c'est le crédit social. Donc, une vraie réforme du système financier qui libérerait l'humanité. Ça, c'est sûr qu'ils ne veulent pas ça, c'est pas ça qu'ils veulent donner. Et ce n'est pas juste de donner un revenu mensuel à tout le monde. C'est pas ça du tout, le crédit social. Donc, c'est beaucoup plus qu'un revenu de base. C'est l'intelligence, la charité, la science, la démocratie et l'abondance appliquées en finance et en économie. Les intelligents se moquent du crédit social, mais ce sont eux qui sont risibles et qui feront la honte de leurs descendants et des générations futures. Donc, moi, je dis que l'avenir sera créditiste. Si vous n'aimez pas l'appeler comme ça, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est pas le nom qui est important, c'est la chose. L'important, c'est d'effectuer la vraie transformation du système financier et d'en corriger le vice. Donc, quel est ce vice du système financier? Eh bien, c'est ce qu'on va voir après la pause musicale. Thank you. Donc, de retour à comment créer le paradis sur Terre, c'est quoi le problème avec le système financier? C'est quoi le problème avec l'argent? C'est quoi le vice? Parce qu'en fait, on dit souvent que le problème, l'argent, c'est à la racine du mal, mais on va voir qu'en réalité, c'est le contraire, c'est le mal qui est à la racine du système d'argent. Donc, d'abord, c'est quoi l'argent? Ben, je vais donner ma définition, une simple définition. C'est un système conventionnel qui sert à mesurer la valeur. Donc, un système, ça veut dire que c'est créé, c'est un construit. Donc, il n'y a pas d'argent dans la nature. C'est nous qui l'élaborons, qui le mettons en place. Et c'est conventionnel, donc c'est une création collective. Tout seul, on n'en a pas besoin. Ni on ne peut pas créer non plus l'argent tout seul. Et aussi, ça sert à mesurer, donc à échanger, à entreposer la valeur. Et il y a plusieurs, évidemment, il y a beaucoup de définitions de l'argent, et ça peut être très complexe, on peut approfondir, et il y a moyen de complexifier les choses, mais les éléments de base qui doivent s'y trouver sont d'après moi, contenus dans ces trois éléments-là. Donc, mesurer la valeur, donc c'est la contenir, c'est donc un système qui doit chiffrer et permettre de limiter. Par exemple, si on a utilisé l'or, car c'est en quantité limitée naturellement. On a aussi utilisé le sel lorsqu'il était rare et à trouver, et que le monde en avait besoin, donc le sel était utilisé comme argent. Aujourd'hui, on utilise des chiffres tout simplement, qu'ils soient sous forme digitale, électronique ou sur papier avec des chiffres dessus. Pour que le système fonctionne, il doit être accepté de tous. Et pour être accepté et utilisé, il faut que tous lui fassent confiance. D'ailleurs, c'est la racine du mot crédit, c'est confiance. Et pour que ça marche, et que l'argent puisse mesurer, il faut que la quantité d'argent, donc le nombre d'unités chiffrées, ça doit être contrôlé. Sinon, ça ne fonctionne pas. On comprend ça facilement avec l'image d'après-guerre, avec les brouettes remplies de billets, qui peuvent à peine acheter un pain. Donc, il faut qu'il y ait un contrôle, une limite, et pour que ça puisse être utilisé comme instrument de mesure. Et c'est entendu que le sujet de l'argent, ça peut devenir très complexe, comme j'ai dit tantôt, mais on n'a pas à aller plus loin. Ça ne rend pas ce qu'on a dit moins vrai si c'est simple. Je donne tout le temps l'exemple de digérer une pomme. Je peux dire que je mange une pomme, que ça va dans mon estomac, que c'est déconstruit et que les éléments s'en vont dans mon corps, dans mon sang, pour nourrir mes cellules. C'est très simple, évidemment, et c'est vrai. Et c'est sûr qu'on peut, étudier la digestion et la nutrition en profondeur, et ça peut devenir beaucoup, beaucoup plus complexe. Ça n'empêche pas que de simplement dire que je le digère, ça se défait en morceaux, puis ça s'en va, les éléments s'en vont, nutritifs s'en vont dans mes cellules pour les nourrir. Ça n'empêche pas que c'est vrai aussi. Donc, il y a plusieurs niveaux avec lesquels on peut considérer les choses. C'est sûr que je ne suis pas un expert et je ne crois pas qu'on a besoin de l'aide. Justement, si on veut se l'approprier, si on veut comprendre, on peut demeurer à ce niveau-là et toujours être quand même dans la vérité. Et ça n'empêche pas aussi qu'il y ait des experts qui approfondissent la question. On a besoin des deux. Donc l'argent doit être créé. C'est ça qu'on comprend. Et on va voir après la pause comment à créer et qu'est-ce que c'est quoi le problème. On continue avec ça. Qu'est-ce que c'est quoi le problème avec l'argent? Thank you. Donc, l'argent doit être créé. Donc, et comment est-ce que c'est créé? C'est en mettant en circulation des unités. Par exemple, le système en cours, si le système en cours est l'or, comme dans le temps de Babylone, si on trouve de l'or, à ce moment-là, on crée de l'argent automatiquement. Mais, dans un autre système, si cet or a besoin d'être transformé en pièces d'or et frappé d'un certain sceau, comme dans le temps des Romains, alors, ce sont ceux qui ont accès à ce sceau, qui ont l'autorité de l'utiliser, qui peuvent créer l'argent et le mettre en circulation. Bien entendu, les deux systèmes peuvent cohabiter. Par exemple, on dit que certains grattaient les pièces d'or. Puis, évidemment, si vous grattez les pièces d'or, vous ne pouvez peut-être pas faire d'autres pièces, mais vous pouvez utiliser l'or parce que ça peut avoir quand même de la valeur et être utilisé, par exemple, pour troquer. On peut faire la même chose aujourd'hui en utilisant d'autres choses que l'argent pour échanger. Par contre, donc c'est ça, les deux peuvent coexister, mais n'empêche que pour créer l'argent, dans le cas des pièces d'or, ça prend l'autorité de faire le saut et de créer des pièces. Et dans notre système aujourd'hui, si vous pouvez imprimer des billets ou inscrire des chiffres dans votre compte de banque, vous pouvez créer de l'argent. Mais comme ça pourrait compromettre le système, cela est contrôlé. Comme on a dit tantôt, la quantité, il faut contrôler la quantité qui est émise. Mais comment est créé l'argent dans notre système actuel? C'est un système bancaire, donc ce sont les banques, les entreprises privées, qui créent l'argent. Comment? Mais de la même façon que vous pouvez inscrire des chiffres sur votre calculatrice, sauf que les banques l'inscrivent dans les comptes de banque. Elles peuvent le faire, car elles en ont reçu la permission. Ils sont mandatés à cette tâche. Il y a quelqu'un qui doit le faire. Certains disent que le problème, c'est que les banques créent l'argent à partir de rien, mais c'est pas ça le problème. L'argent doit être créé, alors ça peut très bien être les banques qui s'en chargent. Et l'argent a toujours et sera toujours créé à partir de rien. C'est une création, c'est un jeu, une convention. On décide que cela sera l'argent et ce l'est. On l'accepte, on fait confiance et on l'utilise. Lorsqu'on utilisait l'or, aussi l'argent était créé. À ce moment-là, c'était lorsqu'on décidait officiellement ou de façon informelle et qu'on acceptait telle ou telle chose comme étant un instrument qu'on allait utiliser comme moyen de mesure. C'est à ce moment-là qu'on créait l'argent. Même si, comme tel, l'or existait déjà dans la nature, c'est par la décision et l'utilisation qu'on transformait la chose en argent. Donc, donc le problème, c'est pas que les banques créent l'argent, ni non plus qu'elles le créent à partir de rien, puisque ça a toujours été créé à partir de rien. C'est simplement une décision. Donc, le problème n'est pas là. Et pour en revenir à l'or, donc, juste en approfondir sur la question de l'or, si on ne peut pas s'entendre entre nous, ce qui veut dire, c'est ça que ça veut dire un système conventionnel, à cause, par exemple, des conflits ou des guerres, eh bien, à ce moment-là, on retourne à un autre moyen de mesure et donc un autre moyen de restriction naturelle pour pouvoir être capable de mesurer la valeur, c'est-à-dire l'or, qui donc n'est pas utilisé à cause de sa couleur et de sa propriété, mais à cause qu'il est naturellement plus rare. Donc, l'or, c'est un instrument de mesure, si on veut, naturel, dans le sens qu'il est extrêmement limité. Donc, si on n'a pas, on n'est pas capable de s'entendre, de créer un système et pour pouvoir utiliser entre nous, à cause qu'il y a des conflits, des guerres, ben à ce moment-là, on retombe sur les éléments externes, naturels, qu'on ne peut pas contrôler, qui est la rareté de l'or. Et donc, c'est sa particularité. Si c'était l'argent qui était, ben, le métal, je vous parle, qui était limité à ce moment-là, ce serait l'argent qui serait utilisé. Et si les alchimistes, par exemple, qui avaient réussi à transmuter le plomb en or, alors ils auraient détruit cette qualité primordiale de l'or et on n'aurait pas pu s'en servir comme instrument de mesure, comme argent. Et donc ça aurait détruit la capacité de l'or d'être utilisé de cette façon-là. Donc, pour revenir aux banques, les banques créent l'argent en inscrivant des chiffres dans les comptes de banque grâce à l'autorité qu'elles ont reçue, passivement, insidieusement peut-être, mais qu'elles ont quand même bien reçue de nous. Et cela, c'est pas ça le problème. Donc, c'est pas le problème, c'est pas là. Il est plus précis que ça. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite après cette chanson. Donc, les banques créent l'argent et créent l'argent à partir de rien, et c'est pas le problème. Ça a toujours été comme ça, que l'argent a été créé à partir de rien, et ça peut très bien être les banques qui le créent. Donc, c'est quoi le problème? Parce qu'il y a un problème, et il est très grave, et il est très important de le voir, de le comprendre, et éventuellement de l'éliminer. C'est ça qui donne et qui a donné à ceux qui contrôlent la création monétaire, les banques privées, un pouvoir surdimensionné. Et c'est ça qui fait que l'humanité souffre grandement. Donc, ce vice-là, c'est l'intérêt, mais pas n'importe quel intérêt. C'est l'intérêt sur l'argent créé. Car les banques créent l'argent en inscrivant des chiffres sur des comptes de banque, sauf qu'elles font cela dans le cadre d'un prêt. Donc, cet argent nouveau est greffé d'un intérêt, ce qui veut dire que l'emprunteur doit retourner plus que ce qui a été créé. Donc, via l'intérêt, via le prêt. Et comme les banques sont les seules à créer l'argent, et que c'est uniquement de cette façon-là qu'elles le créent, tout l'argent en circulation est venu au monde de cette façon, greffé d'un intérêt. Donc, les banques, via ce système vicié, demandent l'impossible, c'est-à-dire de rapporter plus d'argent qu'elles en ont créé, et donc plus que ce qu'il y en a, en fait, en circulation, ce qui est impossible mathématiquement. Elles ont créé 10 et demandent qu'on en rapporte 11. Donc, c'est mathématiquement impossible. Il faut rapporter 11, non pas 11 n'importe quoi. Il faut rapporter 11 de ce qui a été prêté et pas d'autre chose. Et elles seules peuvent le créer, ce qui peuvent créer cette unité-là qui est demandée. Donc, elles tiennent les prêteurs, les emprunteurs en otage. C'est ce à quoi la Bible fait référence lorsqu'elle parle d'usure. C'est l'impossibilité mathématique de rembourser ses dettes et qui crée et continue de créer aujourd'hui l'esclavage. Par exemple, juste la dette fédérale canadienne, aujourd'hui, je ne sais plus combien de fois on l'a payé. On a payé ce qu'on a emprunté, donc le capital. Je n'ai pas les chiffres actuels, mais en l'an 2000, ça fait quand même 20 ans, on parlait de 40 fois. On avait payé 40 fois ce qu'on avait emprunté. Eh bien, on va continuer à payer ad vitam aeternam parce que c'est impossible de rembourser. Il en est de même de toutes les dettes. Elles sont illégitimes à cause de ça justement, le phénomène que je viens d'expliquer, ils devront tous être effacés. En fait, même si on faisait cela et qu'en plus on redonnait tout l'argent aux gens, on ne réparerait pas tout le mal que ça l'a engendré. Et c'est ce qu'on faisait avant. On comprenait que le système était vicié et tous les 50 ans, on appelait ça un jubilé. On effaçait les dettes pour recommencer à zéro. On appelait ça un jubilé. On l'a fait il y a quelques années. Je n'ai plus la date exacte, mais c'était un projet. C'était une farce parce que c'est les pays dits riches, donc le Canada était là-dedans. On a effacé une dette d'environ 50 millions de dollars. Des pays pauvres en Afrique. Ce qui revient à dire qu'en vérité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a emprunté, nous, on a emprunté de l'argent pour nous s'endetter, nous, les pauvres qui sont ici, c'est-à-dire les citoyens, pour donner de l'argent à des crapules qui sont au gouvernement en Afrique, et évidemment qui s'en sont mis plein les poches et qui n'ont pas réglé rien là-bas, c'est certain. De toute façon, 50 millions, c'est une farce. Et donc, aujourd'hui, les experts aujourd'hui sont, sauf exception, rares, ne reconnaissent pas donc que le système qu'ils défendent est merdique. Donc, ils proposent des choses, mais en surface. Donc, il ne faut rien s'attendre d'eux. Ça, on ne le répétera jamais assez. Et on pouvait le voir avec cette question-là de jubilé. Donc, en réalité, il y a, je ne sais pas dans quelles années, c'est des centaines d'années qu'on faisait ça, qu'on effaçait les dettes. Donc, les experts de ce temps-là étaient plus humbles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils pensent que le système fonctionne pour ce qui concerne les réformes, c'est toujours des réformes superficielles. Il n'est pas question de changer en profondeur. Et donc, c'est ça qui est ça pour ce qui est des experts. Donc, ça explique le premier pilier du crédit social, qui est la création monétaire sans intérêt. Donc, comment ça pourrait être accompli, ce changement-là, premièrement en enlevant le pouvoir aux banques de créer l'argent et en le redonnant à un organisme public. Donc, il serait indépendant et il serait constitué évidemment d'experts, d'économistes, de comptables, et qui, eux, vont déterminer combien d'argent que doit être mis en circulation. Et ils vont créer l'argent. Et donc, vous savez maintenant comment, tout simplement en inscrivant des chiffres dans un compte. Et ils vont prêter cet argent-là aux banques, ils vont faire leur job, sauf qu'elles ne vont pas charger d'intérêt. Et lorsqu'elles vont faire des prêts, ça va être comme vous et moi. Quand je prête 1 000 $ à quelqu'un, ben, mon compte baisse de 1 000 $. Et ça va être la même chose pour les banques. Donc, ça va être fini la création d'argent par les prêts comme c'est maintenant. Et certains peuvent se questionner comment elles vont faire l'argent. Mais comme n'importe quel service professionnel, ils chargent des honoraires. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, c'est complètement différent de créer l'argent et charger un intérêt dessus. Et ça donne un pouvoir à des intérêts privés, comme ça a été le cas, et c'est encore le cas, évidemment, aujourd'hui. Donc, pour faire un résumé un peu de ce qu'on vient de dire. Donc, on a vu que le système financier était vicié et que l'argent, c'est une convention et ça sert à mesurer la valeur. Et dans le système actuel, c'est créé par les banques à intérêt, donc c'est de l'usure. Et une réforme qu'on peut considérer, une réforme du système financier, le crédit social a pour premier pilier que la création de l'argent soit contrôlée, évidemment, par la nation, mais en fait par la collectivité, donc qu'elle soit créée sans intérêt. Donc, il faut enlever ce pouvoir-là aux banques, le reprendre et le créer sans intérêt. Évidemment, ce ne sera pas fait par les experts, donc c'est nous, les citoyens, qui devons comprendre ça et le demander, l'exiger de par notre autorité. Ensuite, les autres piliers du crédit social qu'on n'a pas vu aujourd'hui, mais il y a l'escompte compensé qui est un peu plus compliqué, mais il y a entre autres le dividende. Évidemment, ce dividende-là ne viendra pas des taxes, parce que, évidemment, dans un système de crédit social, c'est complètement différent du système actuel. C'est une autre philosophie, un autre système de pensée. Et ça prend beaucoup plus d'espace pour expliquer ça. Mais le dividende, c'est tout simplement de l'argent nouveau qui va être créé justement par cet organisme-là, qui va être distribué. Et évidemment, l'escompte compensé, c'est l'autre aspect du pilier qui vient équilibrer le tout, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas tout simplement, comme certains ont dit du crédit social, que ce n'était que d'imprimer de l'argent et la distribuer. C'est entendu que c'est plus complexe que ça. Comme on a dit, on ne peut pas mettre une quantité trop grande d'argent en circulation, parce que ça lui enlève son rôle de mesure et ça ne fonctionne pas. Donc, il s'agit de regarder les choses simplement, mais de ne pas être simpliste non plus. Donc, le crédit social, c'est beaucoup plus complexe et plus intelligent que ça. Mais ce n'est pas parce que c'est complexe que nous n'avons pas à le vouloir et à le créer et à nécessairement avoir besoin de tout comprendre non plus. Et il faut faire attention non plus de ne pas dire des choses qui sont insensées, comme de créer l'argent à l'infini. Donc, l'argent, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle doit mourir aussi. Donc, elle est créée, mais elle doit revenir à sa source. Et c'est inclus, évidemment, dans la doctrine du crédit social ou de n'importe quelle nouvelle réforme fonctionnelle, juste, qui pourrait être appliquée, peu importe comment on l'appelle. Donc, ça fait le tour pour la question, en tout cas, un premier pied dans le système ou le centre de pouvoir qui est l'argent. Et qu'est-ce que nous pourrions en faire, évidemment, pour le rendre plus juste et le mettre à notre main et l'utiliser comme pouvoir à notre service plutôt que qu'il soit utilisé contre nous comme c'est actuellement et comme ça l'a été toujours. Et pour ceux qui pensent que l'argent est problématique et qu'on serait mieux sans argent, eh bien, c'est en maîtrisant notre création, parce que l'argent, c'est notre création, que nous pourrons éventuellement, si nous voulons, s'en passer. Mais c'est pas en le rejetant comme étant le problème, parce que le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est nous qui ne sommes pas capables d'y accéder, au contrôle de la création de l'argent et de s'entendre sur, pour le comprendre et prendre la place de ceux qui sont au contrôle en ce moment et qui l'utilisent à leurs intérêts. Donc, ils ne sont pas les nôtres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les intérêts qu'on veut. C'est pas la société, c'est pas les valeurs qu'on veut. Donc, c'est à nous à changer les choses. Et ça fait pas mal le tour pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté, si vous êtes là. Et comme toujours, si vous avez des questions, commentaires, critiques, vous voulez participer, vous pouvez aller voir sur ma page Facebook. C'est le meilleur moyen de communiquer avec moi. Et donc, pour la trouver, Patrick Tétrault, sinon patricktétrault.com, et dirige vers ma page Facebook. J'ai acheté les domaines. Et je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine, bonne fin de journée. À la prochaine. L'annuaire de la radio propose depuis 1998 le répertoire sur la radio en France le plus complet du web. Le plus complet du web. Vous y trouverez tous les sites des stations FM ou web radio, ceux de vos animateurs préférés, des émissions, des archives, des radios disparues.